Marco Douiman. Bonjour à vous tous, nous sommes le 19 juillet 2019. Voici les grands titres de cette grande édition de la mi-journée. Les fonctionnaires ont encore à attendre le dégel des annales. Vous aurez les précisions du porte-parole du président de la République dès le début de ce journal. Deux présumés voleurs ont été tués par la police la nuit de ce vendredi sur la colline Mikoni en commune Gahombo de la province Kayanza. Notre correspondant au nord, Muzagara, nous en parlera. Le Conseil des ministres de ce mercredi envisage la mise en place d'un cadre de procédures claires pour le recrutement du personnel local des ONG étrangères. Vous en aurez les détails. Et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 oppose ce vendredi soir à 21h la sélection nationale d'Algérie, les Fennec, et l'équipe nationale sénégalaise, les Lions de la Teranga. Coup d'envoi 21h, heure de Bujumbura. Ça, c'est du football. Et dans la chronique environnement, l'expert environnementaliste Albert Mboneranné nous parlera des défis liés à la politique de villagisation comme moyen de protection de l'environnement. Voilà pour l'architecture. La radio de l'avenir. Rebonjour, je venais de vous le dire. Il n'est pas encore temps d'accorder les annales aux fonctionnaires de l'État et ceux travaillant dans le secteur privé, comme l'a indiqué le chef de l'État lors de son discours commémoratif du 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi. C'est du moins l'éclairage donné par le porte-parole du président de la République, Jean-Claude Karegwa, précise qu'ils devront encore attendre jusqu'à la fin de cette année 2019. Suivez le porte-parole du président de la République au téléphone avec Evariste Nzikobanyang. Le chef de l'État a dit, je cite, « Nous préconisons également le dégel des annales pour les fonctionnaires de l'État ». Fin de citation. Comprenez par ici que les dites annales sont envisageables seulement pour les fonctionnaires qui en ont droit, c'est-à-dire ceux qui remplissent les conditions exigées pour en bénéficier, et tout cela sans effet rétroactif. Rappelez-vous aussi que les annales, plutôt que le gel des annales et autres avantages comme primes, émoluments, gratifications et bonus avaient été suspendus dès janvier 2016. Retenez donc que les annales et autres avantages aux fonctionnaires ne sont pas automatiques. L'évaluation des performances en est en préalable et cette dernière se fait traditionnellement à la fin de l'année ici au Burundi. Entre-temps, les techniciens des ministères concernés ainsi que les représentants des employés et du patronat auront le temps d'épuiser les contours de cette question d'ici au mois de décembre. En attendant, tout le monde devrait se mettre au travail, qui est la seule voie qui mène aux annales et autres avantages. Jean-Claude Karegwa, porte-parole du président de la République. Le Conseil des ministres de ce mercredi 17 juillet a analysé 7 points, dont 2 projets de loi relatifs à la mise en place d'un comité interministériel de suivi et évaluation des ONG étrangères et des comités de recrutement local pour ces ONG. Dans le compte-rendu de ce conseil lu par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais, il a souligné qu'un cadre de procédure clair pour le recrutement du personnel local doit être suivi. Prosper Nahuamiye précise également que des sanctions sont prévues pour tout manquement à la loi régissant les ONG étrangères. Suivez-le, ce sont des éléments sonores que nous devons à nos confrères de la Radio Nationale. La loi portant cadre général de coopération entre la République du Burundi et les organisations non gouvernementales étrangères a été actualisée en 2017 afin d'assurer une meilleure coordination de l'aide pour plus d'efficacité. Il était apparu en effet qu'une part importante de l'aide passe par les ONG et qu'une grande partie est affectée à leur fonctionnement au détriment des activités de développement. Les différents fora tenus sur l'efficacité de l'aide ont été unanimes pour reconnaître que celle-ci, pour être efficace, doit s'intégrer dans les circuits administratifs et financiers des pays bénéficiaires. Cela n'est possible que si le gouvernement obtient des rapports réguliers et vérifiés sur la nature et la hauteur des interventions des ONG pour une meilleure coordination des dites interventions. La mise en place d'un comité interministériel de suivi et évaluation des organisations non gouvernementales au Burundi est proposée dans ce cadre. S'agissant du projet de décret portant organisation, composition et fonctionnement des comités comités de recrutement du personnel local par les organisations non gouvernementales au Burundi. Il a pour objet de doter les ONG opérant au Burundi d'un cadre de procédures claires et cohérentes pour le recrutement des employés locaux, conformément aux dispositions de la loi portant cadre général de coopération entre la République du Burundi et les organisations non gouvernementales étrangères. Il indique les démarches à suivre dans son recrutement pour tenir compte des équilibres ethniques et de genre prévus par la Constitution de la République du Burundi, en vue de corriger les déséquilibres constatés et contribuer à la cohésion sociale. La volonté de corriger ces déséquilibres s'inscrit dans les politiques et pratiques du gouvernement que ces ONG ont la mission d'épauler. Il est prévu des sanctions pour tout manquement aux dispositions du présent projet, que ce soit envers les candidats qui auront menti sur leur identité, que ce soit à l'endroit des membres des comités de recrutement qui auront manqué à leurs obligations. Prosper Nhaguamie, secrétaire général et porte-parole du gouvernement dans le compte rendu du Conseil des ministres du 17 juillet, en extrait de ce compte rendu. Et seuls les résultats du concours national de la 9e année fondamentale déterminent la réussite ou l'échec de l'apprenant. C'est l'annonce du porte-parole du ministère de l'Éducation ce vendredi, au moment où certaines directions scolaires éprouvaient des difficultés à clôturer l'année pour les classes de 9e. Jouma Edouard rappelle que les dispositions fixant les conditions d'avancement de classe ou de redoublement à l'enseignement fondamental ne sont pas applicables aux lauréats de 9e année. Il recommande aux enseignants de finaliser le travail des bulletins après le traitement des recours, après avoir reçu les notes définitives. Suivez les précisions d'Edouard Jouma. Les notes du concours national jouent désormais un double rôle. Premièrement, les notes conditionnent l'avancement des classes, c'est-à-dire l'accès à l'enseignement post-fondamental, comme stipulé dans l'article 9 de l'ordonnance ministérielle suscitée, qui dispose que seuls les résultats du concours national déterminent donc la réussite ou l'échec de l'apprenant. En d'autres termes, les dispositions de l'ordonnance ministérielle 610/1058 du 25 mai 2016 fixant les conditions d'avancement de classe ou de redoublement à l'enseignement fondamental, ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes de 9e année. Il n'y a pas d'examen de repêchage ni de décision de réussite en classe ou d'échec de l'élève consécutif au total annuel de ses notes obtenues en classe. En second lieu, les notes obtenues au concours national sont intégrées au bulletin de chaque élève comme résultat du troisième trimestre. Ceci pour constituer le total annuel. Notons cependant que la délibération pour la classe de 9e va consister seulement à une prise d'acte des notes après le classement des élèves. L'analyse des échecs disciplinaires et autres critères pour décider de la réussite ou de l'échec de l'élève n'est plus de mise dans la classe de 9e. Et pour éviter tout gaspillage des bulletins, le ministère recommande de finaliser le travail des bulletins après avoir reçu les notes définitives qui seront disponibles durant la semaine du 12 au 16 août 2019. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Sécurité dans l'actualité de ce vendredi. Deux présumés voleurs ont été tués par la police la nuit de ce vendredi sur la colline Mikoni, en commune Gahombo de la province Kayanza. Le commissaire communal de la police précise que ces présumés bandits venaient de voler deux vaches sur cette colline. Après des échanges de coups de fusil, ces vaches et le véhicule qui les embarquait ont été saisis. Les enquêtes sont en cours afin d'identifier ces malfaiteurs. Apollinaire Mozagara. D'après des sources sur place, ces deux vaches venaient d'être volées sur la colline Mikoni chez un certain Leonidas Nizigiman. Arrivé sur le pont Barara, toujours sur la même colline, ces bandits ont trouvé une barricade tendue par la police et la population. C'était exactement minuit 15 minutes. Lors d'une tentative de faire marche arrière, un des bandits se trouvant dans la voiture a tiré avec son fusil et la police a riposté. En fouillant, deux de ces malfaiteurs ont trouvé la mort sur le champ et un autre grièvement blessé a été appréhendé. Deux autres, selon toujours le commissaire communal Agahombo, ont pu prendre le large avec leur fils, mais le véhicule a été saisi et les deux vaches à bord de ce véhicule ont été remises à leur propriétaire. L'administrateur de la commune Agahombo salue le travail accompli par la police et la population, car selon Jacqueline Ruagoka, des cas de vol de vaches étaient devenus monnaie courante dans cette commune Agahombo. Elle indique que des enquêtes sont en cours en vue de l'identification de ces bandits, car aucun d'entre eux n'avait aucun document. Donc aussi, Apone Mozagara, Radio Isanganir. Merci Apollinaire. Sécurité routière à présent. Des conducteurs de véhicules qui se garent au parking de Moussénie en commune mandat de la province Boubanza déplorent qu'il leur soit exigé de payer une amende quand ils s'arrêtent dans certaines localités de la route Bujumbura-Boubanza. Ils disent que la dite route ne possède aucun panneau de signalisation routière qui leur interdit d'y garer des véhicules. Le commissaire provincial de la police à Boubanza fait savoir que des mesures ont été prises pour la sécurité publique. Les détails avec Vestine Boutoy. Pas de signaux routiers sur la route Bujumbura-Boubanza. Des usagers de cette route, notamment les conducteurs des véhicules rencontrés dans le parking de Moussénie en commune Manda, déplorent que bien que ces panneaux de signalisation routière soient absents, la police les inflige une amende quand ils s'arrêtent dans certains endroits de la dite route. Ici, il n'y a aucun panneau de signalisation routière montrant là où il est permis de stationner ou là où il ne l'est pas. On peut garer vers l'autre route non goudronnée et là, si la police t'attrape, elle te fait payer une amende, et même si on s'arrête à côté de la route, c'est la même chose, alors qu'en réalité, il n'y a pas de signaux routiers. Il se lamente que des accidents pourraient se produire à cause de son manque des panneaux de signalisation routière dans cette localité. Puisque cette route n'a aucun signal routier, ses conducteurs affirment avoir fait des initiatives mettant en place un écriteau dans certains endroits, montrant l'arrêt et le stationnement interdit pour aider leurs collègues qui seraient nouveaux à ce lieu. Au moment où ces conducteurs demandent la mise en place de ces panneaux de signalisation routière en vue de leur faciliter la circulation, le commissaire provincial de Boubanza fait savoir qu'ils ont pris des mesures interdisant l'arrêt et le stationnement dans certains endroits pour éviter des éventuels accidents à ce niveau. Vestine Boutoyi, infrastructure routière toujours. La route menant à Rushubi, au chef-lieu de la province Bujumbura, l'axe partant de la route Bujumbura-Bugarama est en très mauvais état. Les usagers de cet axe disent qu'il devient de plus en plus impraticable à cause des nids de poules et des pierres qui jonchent sa grande partie. Il déplore aussi le fait que les constructeurs n'ont pas prévu des caniveaux qui devraient conduire les eaux de pluie. Mireille Naomi Nitegeka s'est rendue sur les lieux. Reportage. Nous sommes sur la route qui mène au chef-lieu de la province Bujumbura, juste après avoir passé l'endroit communément appelé Cheharwa en commune Isale. Les passants disent que depuis sa création, cette route n'a jamais été goudronnée. Cette personne nous indique que la circulation est difficile. La route contient beaucoup de nids de poules, de la boue. La circulation n'est pas du tout facile, même pour les piétons. En cette période de saison sèche, il y a trop de poussière. Nous demanderions que la route soit goudronnée pour nous permettre d'arriver au développement comme tant d'autres. Les taxis motards de leur côté disent que vu les conditions déplorables de cette route, leur moto s'use rapidement. Une femme qui habite dans les parages nous précise que les habitants font leur possible en y versant du moellon pour essayer de réhabiliter la route. Mais ça ne dure pas. Les habitants de cette localité font tout leur possible. Ils essaient de mettre du gravier, mais en vain. Parce que quand la pluie tombe, et que les voitures y passent, c'est retour à la case départ. Cette route mène au chef-lieu de la province. Nous demandons à ce qu'elle soit goudronnée. L'administrateur communal Gilbert Nyonguru, même s'il ne s'est pas exprimé sur le micro, il dit être au courant de la situation et il ajoute que lors de la visite que le premier vice-président a effectuée dans la province Bujumbura a promis que le gouvernement va réhabiliter cette route. Naomi Nitegeka. Les riziculteurs de la plaine de Limbo se lamentent de la chute de la production du riz cette année suite à la maladie appelée pulculariose qui a attaqué cette plante. Ils demandent aux responsables agricoles de les aider à trouver des produits efficaces pour lutter contre cette maladie. Au niveau de la Société régionale de développement de la plaine de Limbo, SRDI, on reconnaît cette chute de production dans certains villages, mais on indique que l'incidence est minime. Jean-Kennedy Samaniro, directeur d'encadrement dans cette société, dit que des rapports ont été transmis aux supérieurs pour continuer les recherches. Les détails dans cette correspondance de Spes Caritas Cavagnana. Thérèse Minani est une cultivatrice de riz qui habite le village 3 de la commune Gihanga dans cette province de Bubanza. Ce jeudi, elle était en train de sécher ses récoltes de riz et se lamentait que ses récoltes ont sensiblement diminué cette année. Elle nous a signifié qu'elle avait l'habitude de récolter plus de 30 sacs de 100 kilos chacun, mais cette année, elle n'a eu que 15 sacs pour le même terrain suite à une maladie qui a attaqué le riz. Cette femme est l'une parmi beaucoup d'autres cultivateurs qui se lamentent de la chute des récoltes de riz suite à cette maladie. Il demande aux responsables agricoles de les aider à pouvoir trouver d'autres produits phytosanitaires qui seraient plus efficaces pour lutter contre cette maladie puisque tous les produits qu'ils ont utilisés se sont révélés sans effet. À la Société régionale de développement de la plaine de Limbo, SRDI, on reconnaît que cette maladie appelée pilikilariose a attaqué des champs dans certains villages comme Aburamata, Murira, Nyeshanga et dans d'autres localités, comme le précise le directeur d'encadrement dans cette société. Jean Kennedy Samaniro dit également que le produit appelé Kitazin est efficace pour lutter contre cette maladie quand on fait la pulvérisation à temps. Il précise cependant que l'incidence sur les récoltes est minime par rapport aux prévisions, même si les chiffres exacts ne sont pas encore disponibles. Le directeur d'encadrement à la SRDI promet que les rapports sont régulièrement transmis aux responsables hiérarchiques et que les recherches continuent pour trouver beaucoup d'autres produits phytosanitaires. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Et la Confédération nationale des associations des caféiculteurs du Burundi, SENAC, craint une éventuelle diminution de la production du café suite au non-paiement pour certains agriculteurs. Dans un communiqué de cette confédération sorti ce vendredi, Joseph Nirabama, président de cette confédération, déplore néanmoins des promesses de paiement non tenues. Il rappelle que les caféiculteurs sont dans une période décisive pour la préparation de la prochaine saison caféicole, sans moyens financiers pour cette préparation. Et en bref, on parle football africain et régional avant la chronique environnement. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 oppose ce vendredi à 21h la sélection nationale d'Algérie, les Fenech, et l'équipe nationale sénégalaise, les Lions de la Teranga. Dans les 8 récentes rencontres entre ces formations, l'Algérie a obtenu 6 victoires contre une du Sénégal. Un match paritaire de 2 partout. Lors de la demi-finale, l'Algérie a éliminé le Nigeria sur un score de 2-1. Au moment où le Sénégal a battu la Tunisie sur les séances de tir au but, l'Algérie a été sacrée championne de la CAN en 1990, au moment où c'est la première fois pour le Sénégal de disputer une finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette finale entre le Sénégal et l'Algérie sera retransmise sur les ondes de la radio Isanganiro. Coup d'envoi 21h, heure de Bujumbura. Et les matchs de la demi-finale du tournoi CECAFA Kagame Cup édition 2019 sont prévus ce vendredi à Kigali, la capitale rwandaise. À 13h, la formation ougandaise Kampala City affronte Green Eagles de la Zambie. À 18h, Azam FC de la Tanzanie croise le fer avec la formation AS Maniema Union de la RDC. Sport toujours, la Confédération africaine de football CAF a dévoilé ce jeudi le classement des matchs éliminatoires pour les pays qui disputeront la CAN 2021. Le Burundi a été classé dans le pool E, regroupant les pays comme le Maroc, la Mauritanie et la Centrafrique. Place maintenant à la chronique environnement. Radio Isanganiro, chronique environnement. Je l'avais annoncé en début de ce journal dans les titres. La mise en place des villages dans le but de libérer les terres cultivables et les espaces forestiers, c'est l'un des moyens pour faire face à la pression démographique tout en protégeant l'environnement. L'expert environnementaliste Albert Mbonerane évoque les défis liés à la mise en application de cette loi qui, selon lui, devrait impliquer plus le gouvernement. La chronique environnement signée Christella Nizigama. L'augmentation de la population est une préoccupation mondiale avec plus de 7 milliards au Burundi. La population est estimée à plus de 11 millions. Selon l'expert environnementaliste Albert Mbonerane, la politique foncière montre clairement comment gérer correctement la terre. Aujourd'hui, les défis auxquels nous faisons face, les gens semblent ignorer l'existence de ces textes légaux. Même si vous allez dans le code de l'environnement qui date de 2000, il y a le volet qui concerne la terre, les eaux, les forêts. Aujourd'hui, nous avons ces textes légaux, le code foncier, le code forestier, le code de l'eau. Donc je me dis que si ces textes de loi étaient été mises en application avec les orientations politiques, on pourrait faire face à cette croissance démographique. Face à cette situation de croissance démographique, on assiste à des perturbations climatiques suite à la déforestation, les constructions anarchiques et les activités agricoles non conformes à la réglementation. Si ces textes étaient bien exécutés, précise Albert Monnet-Lanné, il y aurait un bon plan d'aménagement. Il faut que l'ancien ministère de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, il devait avoir des schémas directeurs de l'aménagement du territoire. Il y a des provinces qui étaient dotées de ces schémas directeurs d'aménagement, mais qui n'ont pas été mis en application. C'est un outil qui devrait nous aider à voir comment nous développer. L'environnementaliste évoque aussi des défis liés au changement politique. Le ministère de l'eau de l'environnement a complètement disparu. On a créé un nouveau ministère qu'on appelle le ministère de l'environnement, agriculture et élevage. Le premier destructeur de l'environnement, c'est l'agriculture. Parce que l'agriculture signifie qu'il faut cultiver face à cette situation. Si nous gardons les deux domaines, environnement et agriculture et élevage ensemble, normalement, le ministre en charge de l'environnement devrait contrôler pour savoir si le ministère de l'agriculture est en train de respecter les normes du code de l'environnement, du code forestier. Comme c'était prévu dans la politique foncière, pour faire face à la pression démographique tout en sauvegardant l'environnement, le gouvernement devrait mettre en place la politique de villagisation. Au niveau de la feuille de politique foncière, c'était pour qu'on essaie de regrouper des gens dans un village pour libérer les terres et puis organiser conjointement ensemble des programmes de développement au niveau agricole. Mais aujourd'hui, il y a certains villages qui ont été établis, mais cette politique n'a pas couvert tout le pays. C'est dans le cadre de la coexistence entre la croissance démographique et la protection de l'environnement, la gestion des terres. Il faudrait que le gouvernement prenne des mesures contraignantes. La mise en application de cette politique foncière ainsi que d'autres lois relatives à la protection de l'environnement, indique Albert Monnet-Lanné, faciliterait par ailleurs la délimitation des terres cultivables et des forêts. Chronique environnement signée Christella Nizigama. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le réaliser. Un bon après-midi. Thank you.